Yeah. Prendre des mesures pour fermer ta gueule. Billet, billet, c'est ce que méga veulent. Plus de pouvoir que le Megazord. Toujours équipé lorsque méga sort. Quelques putes se battent pour un méga sort. Ouais, le mec est chaud, ouais, le mec assomme. Ouais, le mec assume, il aime les méga sommes. Ils font les mecs à meufs, ils sont des mecs à hommes. Je vois ma mort arriver à 1000 à l'heure. Et quand la mort arrive, elle est pile à l'heure. Les médias parlent de Dieu, en ont fait un monstre. Et ils disent qu'il faut tout pour faire un monde. Eh, hey, je m'en branle de ta gueule, j'ai pas de pire ennemi. Ou peut-être ceux tout en haut de la pyramide. Leur morale est fragile comme la céramique. La télévision c'est de la tyrannie. Ça fait longtemps je sais plus ce que je fais de ma vie. Ça fait longtemps chaque jour j'improvise. Dans la Clio ou la Ferrari, le pare-brise est plus large que les rétroviseurs. Donc je regarde devant, je regarde pas derrière. Je m'en battais les couilles ce que disait le proviseur. Skinny nègue, ça m'empêche pas de la soulever. Je m'en bats les couilles des bras du gros videur. Eh hey, poteau, ma vie c'est pas la fête. J'aime bien Paris mais c'est pas ma vie. Il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. Mais je suis pas con, je retournerai pas ma veste. J'ai l'impression que nos cœurs se rapprochent. Je vois la grandeur du sien mais mon cœur accroche. Je suis pas dans un clip bourré dans la Porsche. Juste une tête et quelques dollars dans la poche. Yeah yeah yeah. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Yeah yeah yeah. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Yeah yeah yeah. Ouais ouais ouais. Yeah yeah yeah. Ouais ouais. Traîne pas dans mes pattes, j'ai aucune attache. T'as honte de ta vie, pourquoi tu la caches? Éloigne-toi des salopes qui pillent la chatte. La moula, faut que tu la fasses. Et toute ta rancœur, faut que tu la craches. Ce que tu veux dans la vie, faut que tu l'attrapes. Oula, oula, oula, oh la vache. Non, tes péchés s'effacent pas, oh la vache. Les miens non plus, j'essaye d'en faire moins. Putain, là, je tendrai d'hyper loin. C'est pas de la gueule gros dans mes joints. L'industrie pharmaceutique est témoin. C'est vrai que le rap maintenant, c'est plus la même. La majorité d'entre plus la merde. Si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Mais surtout tu commandes pas, tu la fermes. Tu connais pas J.O.S. et ma haine. J'suis perdu entre mon amour et ma haine. Ouais j'fais mon bail et c'est super cool. J'arrive dans 10 minutes, j'suis dans Liverpool. J'en ai dedans, j'suis pas dans le ventre mou. Soit t'es avec, soit t'es contre nous. Arrête un peu, pas ça entre nous. T'as si t'as ça, vas-y montre-nous. Tout se passe comme prévu calmement. Laissez-moi tranquille, c'est pas le moment. En général, ceux qui parlent mentent. Comme ceux qui parlent mentent au parlement. Je rêve de la villa sur la mer. Pendant mon trajet dans le métro sous la terre. J'ai trop la foi pour me faire niquer. Déterminé pour l'éternité. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais, ouais.